Ouais, les Picumines, ils sont tous revenus. Une nouvelle histoire va venir sur GameCube. Olimar doit repartir en mission. Ramasser des trucs précieux pour payer une dette. À la compagnie de qui? Okotate. C'est ainsi que commence l'histoire des Picumines. Olimar revient sur l'étoile des Pikmin. Il en découvre des nouveaux qui sont fabuleux. Ils peuvent devenir tout bleus ou bien tout blancs. Les tout blancs, ils sont toxiques comme des joints. Et les violets, ils ont la force de 10 Pikmin. C'est ainsi qu'a évolué l'histoire des Pikmin. Une fois terminé, Olimar part chez lui. Il raconte à sa famille l'histoire des Pikmin. Elle se transmet de famille en génération. Elle arrive ainsi chez Shigeru Miyamoto. Il en a donc fait un drôle de jeu vidéo. C'est ainsi que se finit l'histoire des Pikmin.